J'ai enlevé, tout c'est trop compliqué. À saisir, j'ai supprimé tout ces rimes inutiles. Et on ne comprenait plus rien. Tout était flou. Sur mon palier, toutes les plantes étaient crevées. Sous-titrage Société.